Et Sylvain, encore tout bouleversé par ce qu'ils viennent de voir et d'admirer, se remet de l'intense émotion que leur a procurée la solennelle exhibition du derrière d'Agrippine Le Hian au balcon du palais du gouverneur d'autres lieux. À l'intérieur du palais, la fête reprit dans une merveilleuse atmosphère d'euphorie et de détente. Et Taki se précipiterait pour féliciter et encenser Agrippine. Celle-ci, toute rose, débordant de bonheur et de santé recouvrée, faisait à petits pas le tour des salons illuminés à Giorno, au bras de son époux. Alexandre rayonnait. De temps à autre, il donnait une petite tame affectueuse sur l'objet de cet hommage universel, et ses yeux, remplis de fierté conjugale, semblaient dire « Il est toujours là, toujours solide au poste, toujours sur la brèche !» Guy Lanoeuf et Sylvain Étiré étaient, comme de bien entendu, de la fête, et ne furent pas les derniers à venir complimenter Agrippine, il s'en montra fort touché. « Admirable, chère madame, répondit Sylvain, on avait l'impression qu'il allait parler, car elle n'avait pas son pareil pour tourner le madrigal. » Ils firent naturellement danser Bethsabée et Évangéline, dite centre d'accueil. Puis, ils rejoignirent Léon Lamigraine, qui, dans un coin, faisait de la propagande analyste à un groupe de diplomates étrangers qui paraissait fort goûter ses propos. « Dites donc, lui dit Guy, que signifie ce déploiement solide de forces policières ? Est à l'honneur de qui ?» Car effectivement, parmi la foule élégante qui se pressait, des messieurs, aisément reconnaissables à leur mine soupçonneuse et leur accoutrement typiquement professionnel, circulaient sans arrêt. Les inspecteurs gardaient toutes les issues et des physionomistes photographiaient de leur regard perçant tous les invités. « Ah !» s'écria Léon, « c'est probablement à cause de M. Maurice. » « M. Maurice ?» fit Guy sans comprendre. « Eh oui, M. Maurice, l'énigmatique M. Maurice, le suspect permanent. » Puis, les prenant par le bras, « Venez, dit-il. » Et vous présentez à quelqu'un qui en connaît long là-dessus. Et il les amena à Clément himself, chef des services de sécurité, contrôleur général de la défense du territoire. Mes amis, lui Léon, désirait être renseigné sur la personnalité de l'énigmatique M. Maurice. Ah, celui-là, s'écria Clément himself, il peut se vanter de m'empoisonner l'existence. Venez demain à mon bureau, dit-il aux deux reporters, et je vous communiquerai, en confidence, bien entendu, le dossier concernant cet inquiétant personnage. « Je comprends parfaitement, messieurs, dit le lendemain Clément himself, à Guy et à Sylvain, votre étonnement et votre surprise devant les extraordinaires précautions policières prises au palais du gouverneur au cours de la nuit dernière. Mais pour les familiers du palais et pour tous ceux qui, peu ou prou, savent à quoi s'en tenir, n'avait rien que de très naturel, car, messieurs, nous avons affaire à forte partie et le pire était à redouter. « Monsieur Maurice, dit Sylvain. Eh oui, monsieur Maurice. Le mystérieux, l'énigmatique monsieur Maurice, comme l'a surnommé la légende populaire. » D'après ce que nous a dit notre ami Léon Lamigraine, dit à son tour Guy, ce M. Maurice est le suspect permanent. Exactement. Le suspect permanent est numéro un. Mais, objecta Sylvain, je m'excuse, M. himself, et ma réflexion va peut-être vous paraître entachée de naïveté, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas, mon cher monsieur? Votre observation est en principe parfaitement pertinente. Mais on n'arrête pas à autre lieu les gens sur des présomptions, si lourdes soient-elles. Ah, parce que vous n'avez que des présomptions. Malheureusement, oui. Mais quelle présomption ? Des présomptions, à mon avis, à celui de mes collègues, sans exception, sont plus que suffisantes pour justifier son arrestation immédiate. Mais son excellence, en son amour de la démocratie et son respect louable, certes, mais excessif, de la personne humaine et formelle. Des preuves et la main dans le sac. En dehors de ça, il ne veut rien entendre. Jugez alors, messieurs, de la complexité de notre tâche. En effet, reconnu Sylvain, mais enfin, qui est ce mystérieux individu? Nous l'ignorons, monsieur. Eh bien, ce qui le rend mystérieux et qui justifie pleinement son surnom d'énigmatique. Cet homme est un sphinx vivant. Est-ce un espion, un terroriste, un agent double, triple, quadruple, quintuple, un trafiquant de drogue, un personnage occulte, un affilié à une société secrète de gymnastique, un agitateur? Autant de questions qui demeurent sans réponse, malgré toutes nos recherches, notre surveillance, sans relâche, nos enquêtes les plus poussées. Et le chef de la sécurité eut un geste qui résumait toute son impuissance. À suivre, sans autre prétention que de ne pas en avoir. De prétention, naturellement. Thank you. Clément himself, chef des services de sécurité et contrôleur général de la défense du territoire, vient d'avoir un geste significatif exprimant son impuissance en ce qui concerne l'énigmatique M. Maurice. Et intervenu il y a longtemps que M. Maurice, ce nom de monsieur a quelque chose d'ironiquement choquant, il y a longtemps dis-je qu'il est le suspect numéro un. Ben, ça fera 30 ans au peuple de Terre Nouvelle. 30 ans, s'exclamèrent ensemble Guy et Sylvain, qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Eh oui, messieurs, 30 années d'inquiétude, 30 années sur le qui-vive, 30 années dans l'attente continuelle d'un événement irréparable, 30 années de déduction, de fouilles, de perquisitions, de filatures, et tout ça sans l'ombre d'un résultat. Vous voulez dire, fit Sylvain, que depuis 30 ans, vous n'avez pas réussi à vous procurer le moindre indice vous permettant de mettre un terme aux louches activités de cet individu? Je vous le répète, pas l'ombre d'une. Ah, messieurs, et pas un homme, c'est un cauchemar. Et un cauchemar qui, depuis 30 ans, c'est effroyable. Ce n'est pas humain. Et le chef de la sécurité, prenant sa tête dans ses mains, se mit à sangloter silencieusement. Les deux reporters respectèrent sa douleur et son désespoir. Pour tenter de le consoler, Guy lui donna un caramel et Sylvain un esquimau. Les trois inspecteurs et le commissaire à la défense du territoire qui se trouvaient là se tournaient à contre le mur pour cacher leur émotion. Clément himself se secoua et s'essuya les yeux. « Excusez-moi, messieurs, vous devez trouver mon attitude pas en rapport avec la dignité de mes fonctions, mais nous comprenons, monsieur le contrôleur général, dit Sylvain, bouleversé par le spectacle de cet homme, de ce chef dont les nerfs, en dépit d'une volonté farouche, étaient à bout. Mais, en définitive, reprit Guy, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce monsieur Maurice ? Mais tout, monsieur, tout, sans compter le reste, seulement voilà, rien de précis, rien d'absolu, rien de tangible. Cet homme est machiavélique, inaccessible et se dérobe constamment. » Et pourtant tout, dans son comportement quotidien, ne fait que renforcer nos soupçons, sans toutefois, hélas, parvenir à les justifier. D'ailleurs, vous allez comprendre. Il fit signe au commissaire. « Herbeton, appela-t-il, passez-moi le dossier, Maurice. » Le commissaire sortit, revint avec un volumineux carton bourré de notes et de documents qu'il posa sur le bureau du chef de la sécurité. Clément himself l'ouvrit. « Tenez, dit-il, commençons par le commencement. Voilà sa photo. » Guy et Sylvain l'examinèrent attentivement. Elle représentait un homme dont il était bien difficile de dire quelque chose. À priori, rien de spécial. Une physionomie même plutôt sympathique. Un peu de ruse dans les yeux peut-être et un léger strabisme des oreilles. Mais rien dans l'ensemble qui puisse laisser supposer ce que ce personnage pouvait avoir de redoutable et mystérieux. C'est bien ce qui fait sa force et qui nous neutralise, dit Clément himself. Rien d'énigmatique en apparence. Il a l'air d'un brave homme. Et pourtant, vous allez en juger par vous-même. Vous avez communication de quelques rapports le concernant parmi les plus précis. Et le chef de la sécurité, ayant chaussé ses lorgnons avec une corne à lorgnon, commença. Bougre de pauvre crétin, si les cocus formaient en syndicat, vous serez secrétaire général, car tu es bien le dernier. Clément himself s'interrompit. Excusez-moi, dit-il, ceci est personnel, il n'a rien à voir avec l'histoire qui nous occupe. Il glissa précipitamment le papier litigieux dans sa poche et reprit sa lecture. Voyons. Voilà d'abord son signalement. Visage ovale, menton elliptique, nez au milieu de la figure, légèrement axé vers le ponant. Yeux au beurre noir. Oreilles ourlées au point de surjet. Front large du bas et mince du haut. Cheveux en rapport. Signe particulier, graffiti sur la mine à droite. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? S'écria-t-il. Le fait est, admit Sylvain, rien que ça constitue un faisceau d'éléments susceptibles de justifier les poursuites. Mais ce n'est encore rien, écoutez la suite. Maurice, dit monsieur Maurice, surnommé l'énigmatique, ou encore le mystérieux, habite dans le 6e district, au 21 du passage de la Bérésina. À suivre mystérieusement et ténébreusement. Clément himself, chef des services de sécurité et contrôleur général de la défense du territoire, vient de signaler à Guy et à Sylvain que l'énigmatique M. Maurice habite au 21 du passage de la Bérésina. Singulière adresse, dit Guy, n'est-ce pas ? Il occupe un appartement modeste, quoique confortablement installé. J'attire, messieurs, votre attention sur ce modeste, quoique confortablement installé. C'est tout un programme et c'est tout l'homme. Cet appartement, donc, se compose d'une entrée, d'un hors-d'œuvre, d'un plat de viande, garni d'un... Pardon, c'était là, Sylvain. Oh, excusez-moi. Et individu m'obsède à un tel degré que j'arrive à ne plus savoir ce que je dis. Rectification. D'une entrée, d'une cuisine et de deux pièces, dont une de 75, plus une salle de bain. Mais, messieurs, quelle étrange salle de bain pour un monsieur qui n'a rien à se reprocher. Une salle de bain sans baignoire. Sans baignoire, oui, monsieur, sans baignoire. Quand Monsieur Maurice veut prendre un bain, il ouvre les robinets et quand la pièce est pleine, il se plonge dedans. Quand il a fini, il ouvre la porte et l'eau s'écoule par un escalier dérobé. Dérobé à qui? On n'a jamais pu le savoir. C'est troublant, dit Guy. Vraiment énigmatique, dit Sylvain. Heureux de vous l'entendre dire, messieurs. Monsieur Maurice est vêtu en toute saison du même complet à carreaux. Toutefois, en été, il pose sur les carreaux de sa veste des petits stores pour éviter, prétend-il, les effets de la réverbération solaire. Et en hiver, des bourrelets pour se protéger, prétend-il toujours, du froid et du vent. Non, mais vous vous rendez compte? Quel âge peut-il avoir, cet énigmatique, monsieur Maurice, demanda Guy. Difficile à dire. Peut-être 50, peut-être 64. Oui, difficile, très difficile à dire. Il n'a donc pas de papier? Oh, trop, monsieur, il en a trop. Depuis les papiers carbone jusqu'au papier d'emballage, en passant par les papiers parcheminés et les papiers à lettres. Et tout ça dûment signé, paraffé, tamponné, légalisé. Officiellement, rien à dire. Il est rigoureusement en règle. Beaucoup trop en règle, à mon sentiment. Mais ce n'est pas en vertu d'un sentiment que je peux lui passer les menottes. D'après ce que nous savons et d'après ce que l'on raconte sous le manteau, ce monsieur parlerait couramment 27 langues et dialectes. Mais là encore, nous en sommes réduits aux hypothèses, car il ne s'exprime exclusivement qu'en français. Et quand je dis en français, c'est façon de parler, car il ne prononce pas 20 paroles par jour. Nous avons naturellement essayé à maintes reprises de le coincer. Personnellement, un jour, je l'ai abordé dans la rue. « Alors, monsieur Maurice, lui ai-je dit le plus naturellement du monde, en ayant bien soin de me cantonner dans les généralités, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?»« Bon, » répondit-il, et il me tourna le dos. Des passants qui m'avaient reconnu s'approchèrent pour me dire, histoire de se payer ma tête, « Hein, monsieur le contrôleur, il en sait des choses, monsieur Maurice. »« Oh oui, fit un autre, et plus qu'on croit. » T'es furieux et ridiculisé de surcroît, enfin. Ah, voici un autre rapport. Tous les jours à 12h30 exactement, M. Maurice entre dans la boutique de M. Clavecin, l'épicier du milieu de la place du Mixed Grill, et invariablement demande. Vous avez du concombre en branche? Non, M. Maurice, répond non moins invariablement M. Clavecin. Et M. Maurice s'en va en haussant imperceptiblement les épaules. Mais enfin tout de même, c'est invasif, de quoi vit-il? Il n'a donc pas d'occupation avouée? Oh, que si! Pas si bête, énigmatique, monsieur Maurice. Il a une couverture, comme bien vous le pensez. On lui connaît une occupation. Officiellement, il est réparateur de pompes funèbres. Et c'est exact? Rigoureusement. On n'a jamais pu le prendre en défaut. Tenez, je poursuis la lecture du rapport. Chaque matin, à 9h précises, il pénètre dans l'atelier de la maison Torgnol, père et fils, successeur de leur gendre, où sont remisées les pompes funèbres qui ont besoin d'être remises en état. Il enlève sa veste, passe une combinaison, souligne le rapport, plus ou moins louche, et se met au travail. Il change un tuyau par-ci, vérifie un clapet par-là, renforce une charnière, s'incline cérémonieusement devant le corps de pompe, rectifie un piston, rôde un moment autour d'une soupape, l'y pose des ventouses, si elle est grippée, et remet tout en ordre de marche. À suivre, impérieusement, impérativement et réciproquement. Clément himself vient d'expliquer à Guy et à Sylvain comment procède l'énigmatique M. Maurice pour réparer les pompes funèbres en mauvais état de fonctionnement. « Bizarre, » dit Guy. « Attendez, attendez, » dit Clément himself. « Voilà le plus beau. » Le dimanche, l'énigmatique M. Maurice se rend au jardin de la polyanderie et donne à manger aux oiseaux qui, nous l'avons constaté et reconnu, ont l'air de bien le connaître. Il leur jette généralement des côtelettes et des escalopes et quelquefois, mais plus rarement, des tours de deux et des rognons flambés. Et nous jouerons sur l'honneur. Avoir été le dimanche 17 septembre, témoin de la scène suivante. Ce jour-là, comme à l'accoutumée, M. Maurice faisait sa visite dominicale hebdomadaire, mais, contrairement à son habitude, il posa devant lui une douzaine de flacons remplis d'alcali, auxquels il jeta des boulettes de hachis parmentier. Intriqué, un garde s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ? » questionna-t-il. « Vous le voyez bien ? Donnez à manger à des flacons d'alcali ? Et alors, qu'est-ce qu'un oiseau ? Ben, c'est un volatile. Et alors, et l'alcali, n'est-il pas lui aussi volatile ? Le garde, sidéré, saisi stupidement et confusément d'un vague respect pour ce qu'il considérait, ainsi qu'il l'appert de ses déclarations comme de la science infuse, n'osa pas insister et s'en fut, non sans avoir salué l'énigmatique M. Maurice. J'ai personnellement rendu compte de cet incident, dit le chef de la sécurité, à son excellence le gouverneur lui-même. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Demanda Guy. Il m'a donné 20 francs et il m'a dit d'aller me faire voir par les Grecs. Et vous y êtes allé ? Bien sûr, c'était un ordre. Mais ça ne m'a pas avancé pour autant. Mais je poursuis la lecture de ce rapport. Le soir, M. Maurice rentre chez lui, enlève ses souliers, met au pied une paire de chaussons aux pommes, prend un verre de lampe et pendant une heure imite le rugissement du lion. Signaux sonneurs, dit Sylvain. Bien sûr, mais allons le prouver. Avant de se coucher, il ouvre son poste de télé et regarde une à une toutes les émissions supprimées. Il va ensuite chercher le paillasson qui est devant sa porte, le met à l'intérieur, ferme la porte à clé, met la clé sous le paillasson, se met au lit, prend son clairon, sonne l'extinction des feux et s'endort sans autre forme de procès. Le chef de la sécurité referma le dossier d'un geste là. Et voilà, messieurs, soupira-t-il. Et le lendemain, ça recommence, immuablement. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Oui, monsieur, 30 ans, c'est à devenir fou. Un vrai semblable, murmura Guy. Un vrai semblable, et pourtant vrai. Et pas une faille, messieurs, pas une coupure, pas une erreur qui nous permette enfin de le prendre en défaut. Je finirai par donner ma démission. N'en faites rien, conseiller Guy. Vous feriez son jeu. Vous finirez bien par l'avoir. Dieu vous entende, monsieur. Ah, si seulement on me faisait confiance en haut lieu, si on me donnait carte blanche. Il y a longtemps que je l'aurais mis hors d'état de nuire, malgré ces dehors faussement irréprochables, car, messieurs, je vous le demande, est-ce qu'il ne vous apparaît pas clairement que tout dans le comportement de ce machiavélique individu est la preuve évidente que ça cache quelque chose ? Indiscutablement, dit fortement Guy. Alors, messieurs, je vous en conjure, je sais que vous êtes au mieux avec son excellence. Parlez-lui, puisque vous partagez ma conviction. Faites-lui comprendre qu'il y a urgence de mettre un terme à une situation qui compromet gravement l'autorité de mes services, en faisant douter de leur efficacité. Il vous écoutera peut-être. Nous vous le promettons, monsieur le contrôleur, dit Guy. À la première occasion, nous plaidons votre cause et vous aiderons à débarrasser la société de ce redoutable forban, confirma Sylvain. Clément himself remercia longuement les deux amis. Et en dehors de ce personnage dangereusement énigmatique, dit Sylvain en se levant, vous n'avez personne d'autre à nous signaler dans le genre mystérieux et qui puisse nous intéresser en tant que reporter ? Mon Dieu, non, pensez qu'avec celui-là, ça nous suffit amplement. Excusez-moi, chef, intervint le commissaire rapportant, il y a le professeur Schmutz. Le professeur Schmutz, s'exclama Clément himself, et son visage se détendit souvent. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout la même chose, heureusement d'ailleurs. Schmutz n'est pas dangereux, c'est un original, c'est tout. « Qui est le professeur Schmutz ?» fit Guy intrigué. « Est aussi un curieux personnage, mais dont nous surveillons la conduite que pour le protéger uniquement et veiller à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Mais Herbeton a raison, c'est un cas intéressant. Il le connaît bien et va se faire un plaisir de me renseigner à son sujet. N'est-ce pas, Herbeton ?»« Bien entendu, » fit le commissaire. Et il invita les deux amis à passer dans son bureau personnel. « À suivre, les pieds dans les souliers et les doigts dans le nez. » Le commissaire Herbetendre, à l'allemande de son chef Clément himself, invite Guy et Sylvain, non pas à danser le jerk ou la pavane, mais à passer dans son bureau personnel et fonctionnel. « Ainsi que vous l'a déclaré le chef, dit le commissaire Herbetendre, c'est tout à fait par la bande que nous nous occupons au service de sécurité du professeur Schmutz. À la vérité, ce n'est pas de notre ressort, puisqu'il est du domaine de la pathologie mentale. »« Pathologie mentale, dit Guy. Oui, c'est un des cas les plus étranges, peut-être le plus troublant, parmi les cas étranges de dédoublement de la personnalité. »« Intéressant, ça, dit Sylvain. Je vous crois. Aussi, notre mission consiste-t-elle à le surveiller pendant ces périodes de dédoublement et à prendre soin de sa sécurité. Le professeur Schmutz est un grand savant, et ce serait un grand malheur s'il lui arrivait quelque chose de fâcheux. Et de quelle manière se manifeste ce phénomène de dédoublement chez le professeur Schmutz ? Demanda Guy. D'une manière rigoureusement mathématique et quotidienne. Les plus grands spécialistes de la pathologie mentale se sont penchés sur la question, et à son insu, car le professeur ignore absolument tout de son propre cas. J'ai été, à diverses reprises, chargé de mission de protection auprès de lui et me suis trouvé, de ce fait, bien placé pour étudier objectivement son comportement. En conséquence, messieurs, si toutefois ma proposition vous agrée, je me tiens à votre disposition pour vous retracer, heure par heure, une journée de l'existence du professeur. Nous vous en prions expressément, dit Sylvain. Et une heure plus tard, grâce aux pertinentes explications de l'obligeant commissaire, Guy et Sylvain n'ignoraient plus rien de la passionnante et étrange personnalité du professeur Schmutz. Le professeur Spartacus Siegfried Schmutz, titulaire de la chaire d'orientalisme à la faculté des lettres, jouit, tant auprès de la direction générale de l'enseignement que de ses élèves, d'une aimable et flatteuse réputation. Ces derniers, pour parler de lui, usent d'un langage peut-être un peu trop familier, mais qui, en fait, n'est que l'expression de leur respectueuse admiration. « Le gars Schmutz, » disent-ils couramment. « Ah, pardon, c'est un caïd. » Aussi, ses cours en Sorbonne sont-ils assidûment suivis par toute une jeunesse studieuse, avide de tenir de sa bouche les enseignements grâce auxquels, plus tard, elle constituera l'élite de la nation. Bien avant l'heure fixée, l'amphithéâtre est archicomble, jusqu'aux gradins les plus élevés. Et quand le professeur Spartacus Siegfried Schmutz fait son entrée, il est salué par une salve d'applaudissements et des acclamations sans fin, lancées par une assistance enthousiaste qui s'est dressée d'un seul élan. Le professeur Schmutz salue, remercie en souriant et prend possession de sa chaire. Puis, après avoir, selon un rite consacré par l'usage, mouillé son index et pris la direction du vent, il commence son cours au milieu de l'attention renouvelée de son jour d'auditoire. « Mesdemoiselles, messieurs, je vais aujourd'hui vous parler de l'art khmer. Comme vous le savez, la civilisation khmer remonte à une époque fort lointaine. Les khmers formaient une population qui, venue de l'Inde et croisée de Malais, vint fonder en Indochine méridionale un empire qui demeura très puissant jusqu'au début du XVIIIe siècle. Les khmers d'alors, à ce moment, l'auditoire se déchaîne. Un chic à Schmutz, bravo, Schmutz, Schmutz au pouvoir, etc., etc., etc. Le professeur fait un signe, le silence se rétablit, et il poursuit. Merci, mes amis, merci. Je reprends. Voyons. Les Khmers d'alors, donc, étaient des gens très évolués, qui s'intéressaient passionnément aux choses de l'art. Et puis, petit à petit, ce fut la décadence. Les causes de cette décadence sont assez obscures. Et les avis à leur sujet sont fort partagés, quoique contradictoirement identiques. Seul, à mon avis, fait autorité en la matière, la remarquable étude de mon éminent collègue Abrasif de la Vieignole, qui prétend que cette décadence est d'origine nerveuse. Quoi qu'il en soit, l'art khmer tomba peu à peu en désuétude, et c'est probablement en souvenir de cette régression que, de nos jours, on chante encore, dans un célèbre opéra comique de Léo Delibes, l'art khmer, ton de regard se voile. Donc, mesdemoiselles, messieurs, je vous disais que l'art khmer à suivre avec diligence et sans divergence. ¶¶